Ici la station Lyon-Rigima 6 du Sanctuary. Mayday, mayday! Système stellaire. Ah, nous avons reçu un appel de détresse du système stellaire Elara. Nous sommes déjà en... Oh. We'll be right back.